suis parti en palapa. Je leur ai sorti mon palapa. J'ai fait déborder le pochon. Ouais, je les entends parler. Ouais, ça veut dire que j'en ai. Ouais, plus rien à foutre. Ok, mani, très j'ai marre. Contrôle la zone. Ouais, nique tous les clones. Est-ce qu'on règle toutes les affaires si on le monte en l'air comme un drone? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a en bas de chez moi, policia? Ouais, ouais. J'suis dans la zone de pousse, j'ai le 12 dans le fut et le glock. Ça se moque sur le pilon gros. Avoir la monnaie. Y'a des kilos de compte que dans le Benz ou dans le cadre du Audi break volé. Olé, mira, mira, Manolo Ribera. J'suis dans la suite, suite avec Elvira. J'suis à la cité devant la policia. J'm'en bats les reins, j'te fais la mafia. Parapop, ils m'ont mis les parapop. Ils m'ont emmené au parapop. Ils m'ont mis les parapop. Ils m'ont emmené au parapop. Ils m'ont mis les parapop. Ils cherchaient la parapop. Ils m'ont mis